إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication du livre du Cheikh, ou bien dans la lecture du Cheikh, du livre du Cheikh Ahmed al-Najmi, Rahimahullah, Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul, ala al-Muttasil al-Majhul. Donc, on a lu déjà quelques parties du livre, et le Cheikh, il répond à une lettre anonyme qui lui a été envoyée, c'est soi-disant une nasiha anonyme qui lui était adressée. Et le Cheikh, il répond à cette nasiha qui était en réalité pas vraiment une vraie nasiha, puisque au lieu de lui ordonner de faire le bien, eh bien on lui demandait de faire de se taire et de cesser de donner la nasiha. Donc le Cheikh a écrit ce livre en réponse à cette soi-disant nasiha de la part d'un Hizbi qui probablement voulait pas s'identifier justement parce qu'il savait qu'il était en train d'appeler à quelque chose de contraire à l'islam, contraire à la sunna. Donc le cheikh, il commence, il dit « Faslun, ma huwa al-wajib ala kulli muwahidin » c'est-à-dire un passage ou un chapitre qui parle de qu'est-ce qui est obligatoire pour toute personne qui est muwahid. Muwahid, ça veut dire quelqu'un qui... la personne qui établit le tawhid et qui applique le tawhid. Donc c'est quoi l'obligation pour toute personne qui est sur le tawhid et qui applique le tawhid, qui est muwahid, qui est monothéiste, si tu veux, ou bien qui applique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il explique l'obligation en ce qui concerne le muwahid. Il dit, أليس الواجب على كل موحد أن يبرأ من المشركين وتأسيا بإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حيث يقول كما حكى الله عنه بقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Donc le cheikh, il dit, n'est-ce pas que l'obligation du muwahhid, de toute personne qui est sur le tawhid, c'est de se désavouer des mushrikins en se basant sur l'exemple d'Ibrahim al-Khalil, hein, lorsqu'il dit les paroles que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées à son sujet dans le Coran, dans Surat al-Zukhruf, le verset 26, 27 et 28, lorsqu'il dit, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guidera. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette parole qu'elle reste dans sa progéniture pour qu'il puisse revenir. D'accord? Donc ça, c'est un verset, hein, qui nous explique la position d'Ibrahim vis-à-vis de son peuple. Et, yani, son père et son peuple. Donc ça veut dire que c'est les gens les plus proches de lui. Et donc si on voit que l'attitude d'Ibrahim alayhi salam est de cette manière ou est de ce genre envers les gens qui sont le plus proches de lui, alors que dire des gens qui sont encore plus étrangers à lui s'ils ne sont pas sur le droit chemin et s'ils sont sur le shirk. Donc le shaykh il dit وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول ألا وإن آل فلان ليسوا لي بأولياء وإنما أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا. نعم. Donc ça c'est un hadith qui le shaykh il dit également il faut se désavouer des mushrikins en se basant sur l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait en parlant de certains membres de sa famille, il disait certes, la famille d'un tel ne sont pas mes alliés. Mes alliés sont seulement les gens qui ont at-taqwa, al-muttaqoon. Peu importe où ils sont et peu importe qui ils sont. Ensuite, donc c'est un hadith qui est rapporté par différents savants de hadith. Cheikh il dit Dakarahu al-Albani fi sahih. C'est rapporté Cheikh al-Albani il l'a mentionné dans ses Silat al-Hadith al-Sahiha, si je ne me trompe pas, c'est le hadith 2631. والطبري ومنثور والدار المنثور قبل ما سيسا أخرجه الطبراني في الأوسط. نعم. وهو ضعيف. وفيه زكريا ابن يحيى وهو ضعيف. وأصل الحديث في الصحيحين ألا وإن آل أبي يعني فلانا ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين البخاري في الأدب باب الرحم ومسلم في الإيمان. Donc le cheikh il dit que cette narration là elle est ضعيف comme ça a été mentionné parce que il y a dedans certains narrateurs qui sont pas authentiques. Toutefois à la base le hadith il est dans Sahihain parce qu'il y a une autre version dans Sahihain qui dit la famille d'un tel ne sont pas mes alliés, mon allié ou mes alliés sont uniquement en premier Allah subhanahu wa ta'ala et les pieux parmi les croyants. Donc ça c'est le point que le cheikh mentionne et donc ça c'est des choses qui nous montrent qu'on ne doit pas s'allier avec les hommes par rapport à leur origine mais plutôt par rapport à leur iman et par leur position vis-à-vis du tawhid et de la sunna. Le cheikh il dit أليس لكم في الخليلين أسوة كما أمركم الله عز وجل بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد مدح الله عز وجل المؤمنين بالبراءة من المشركين والكافرين حيث يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ولقد أمر الله عباده المؤمنين بالبراءة من كل كافر ومشرك سواء كان وثنيا أو كتابيا أو غير ذلك. Donc ici encore une fois le cheikh il clarifie et il met encore plus d'insistance sur le principe de al-wala wal-bara encore une fois. Et il dit que les deux Khalil, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Ibrahim alayhi salam, tous les deux ont été des bons exemples pour nous à suivre dans cette question-là. Et il mentionne le verset dans Sourate Al-Mumtahana. Non, en fait, c'est le verset en premier dans Sourate Al-Ahzab, le verset 21, qui dit qu'il y a certes pour vous, en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en le messager d'Allah, un bon exemple pour toute personne qui espère en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier. Et qui se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala énormément. Donc ça c'est le premier verset que le cheikh a mentionné. Ensuite il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié les croyants, hein, du fait qu'ils se désavouent des mushrikines et des kafirines. Et ça c'est le verset 22 dans surat al-Mujadala. Et Allah subhanahu wa ta'ala justement il dit tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Donc tu n'en trouveras pas parmi les gens qui ont cru en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis, ou bien qui se rapprochent, des gens qui s'opposent à Allah et à son messager. Peu importe qui ils sont, fussent-ils leur père, leur frère, leur fils, leur frère, ou les gens de leur tribu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Donc, ça c'est un autre verset qui est très clair pour montrer que les vrais mouahidines, les gens qui sont vraiment sur le tawhid, eh ben, ils ne prennent pas pour alliés les gens qui s'opposent à Allah et à son messager. Ensuite, le shaykh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs, qui sont croyants, de se désavouer de toute personne qui rejette la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qui est kafir ou bien qui est sur le shirk. Peu importe qu'il soit un païen idolâtre qui adore des idoles ou qu'il soit parmi les gens du livre ou parmi les autres gens qui forment le groupe des mushrikines et des kuffars. Et peu importe de quelle catégorie de kuffars il fait partie, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous désavouer d'eux en général. Et le cheikh il dit wa rabba nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atba'ahu ala hadha al manhaj fa qala salawatullahi wa salamuhu alayhi la tatara'a narahuma, yani nar al mushrikin, nar al muslimin wal mushrikin. Donc le cheikh il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses serviteurs, plutôt pas ses serviteurs mais ses fidèles, les gens qui l'ont suivi, sur ce manhaj, c'est-à-dire sur cette voie, « ala hadha an-nahj ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne faut même pas que vos feux se voient mutuellement. C'est-à-dire, lorsque les musulmans font un camp et ils ont un feu, et qu'en face d'eux il y a des mouchriquines par exemple, il faut qu'ils soient assez éloignés et distancés d'eux, pour qu'ils ne soient pas capables de voir le feu l'un de l'autre. Ça, c'est à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur le fait que les musulmans devaient s'éloigner des mushrikins. Ça, c'est rapporté par Abu Daoud dans Kitab al-Jihad, Bab al-Nahi an qatl man i'tasama bis-sujud, akhrajahu l'imam al-Tirmizi, ila akhiri. Donc, le Cheikh al-Albani l'a déclaré comme étant Hassan, dans Sahih al-Jami' et dans Irwa al-Ghalil donc le hadith il est authentifié ou déclaré Hassan par al-Albani dans Sahih al-Jami' al-Sahir, le hadith numéro 1461, et dans Al-Irwa c'est le hadith numéro 1207, et dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha c'est le hadith 636, pour ceux qui veulent aller retourner pour vérifier l'authenticité du hadith. Ensuite, le cheikh il dit وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَصْحَابَهُ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَكَانَ الرَّجُلْ مِنْهُمْ يُسَلِّمْ فَيَنْفَصِلْ عَنْ أَهْلِهِ أو يُسْلِمْ فَيَنْفَصِلْ عَنْ أَهْلِهِ فِي النَّسَبِ انْفِصَالًا كُلِّيًّا حَتَّى قَالَ الْمُشْرِكُونَ ما محمد إلا ساحر ألا ترون أنه يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء ووالده وولده وبين المرء وعشيرته وفي حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي حين قدم على أهله بعد إسلامه فجاء إليه أبوه فقال إليك عني فلست منك ولست مني فقال ما وما ذاك قال إني أسلمت فاتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم فقال أي بني ديني ودينك وكذا أمه وكذا أمه فأسلم. Donc le cheikh il mentionne ici, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a élevé et éduqué ses sahaba sur ce manhaj de justement al-wala wal-bara, de s'allier et d'aimer pour Allah et de se désavouer des gens qui sont sur le shirk et de les détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement il mentionne des exemples que même les sahaba ils ont été éduqués sur ça et ils ont appliqué ça justement même avec leur famille, parce qu'il dit que lorsque les gens acceptaient l'islam à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un devenait musulman, il se séparait de sa famille qui faisait partie de ses proches et il se séparait d'eux complètement. Et les mouchriquoun, ils disaient à cause de ça, à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'était un sorcier. Ils disaient, Mohammed n'est qu'un sorcier. Parce que, ne voyez-vous pas comment il sépare entre un homme et sa femme, entre une personne et son père et son fils, entre un homme et sa famille. Donc, ils disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un sorcier à cause de ça. Parce qu'il séparait entre les gens et leur famille. Et bien entendu, tout ça c'était à cause de la foi. Et donc, il y a l'exemple de l'islam de At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi. Lorsqu'il s'est converti à l'islam, il est allé, après s'être converti, il est allé voir sa famille, il est allé voir son père. Et en fait, il est allé vers sa famille, et son père est venu vers lui, et il lui a dit: éloigne-toi de moi, je ne suis pas de toi et tu n'es pas de moi. Et il lui a demandé pour quelle raison, son père lui a demandé pour quelle raison, et lui, At-Tufayl, il a répondu en disant: je me suis converti à l'islam et j'ai suivi la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors son père a dit, en voulant dire: est-ce que c'est ainsi, ma religion est ainsi, et il lui a expliqué sa religion, et son père et sa mère se sont convertis par la suite. En fait, c'était ça, c'est qu'il a dit: ma religion, c'est ta religion, et la même chose pour ta mère. Donc ils se sont déjà convertis eux aussi, ses parents, dans ce cas-là. Donc on voit l'attitude qu'il a eue envers ses parents, et alhamdoulilah, ses parents se sont convertis eux aussi, donc c'était un bien. Et on voit par la suite aussi un autre exemple que le cheikh mentionne, c'est une histoire qui est très touchante aussi. Ça dit: wa fi qissati islam sa'd ibn abi waqqas anna sa'd wa kana sa'd qabla islamihi barran biha sa'd kana sa'd qabla islamihi barran biha qalat lahu lamma aslam لتدعن دينك هذا الذي أحدثته أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. يقال قاتل أمه. فقال سعد: يا أمه، تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، وإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. Donc il y a l'histoire de Sa'd ibn Abi Waqqas. Quand il s'est converti à l'islam, il était avant l'islam une personne qui était connue pour avoir le bon comportement envers sa mère. Il avait la bonne attitude envers sa mère. Et donc, lorsqu'il s'est converti, sa mère l'a menacé d'arrêter de manger et de boire s'il ne quittait pas l'islam. Alors, elle lui dit: si tu ne quittes pas cette religion, c'est-à-dire l'islam, je vais arrêter de boire. Puis après, les gens vont, par la suite, après ma mort, ils vont t'insulter à cause de moi. Et ils vont dire, voici celui qui a tué sa mère. Alors Sa'd a dit, ô ma mère, sache par Allah que même si tu avais une centaine d'âmes, hein, ou une centaine de vies, et que tu les perdais une à une, je n'abandonnerai jamais ma religion. Si tu veux manger, mange, et si tu ne veux pas manger, ne mange pas. Et à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset dans Sourate Luqman, le verset 15, qui dit: et si ils essaient de te forcer, c'est-à-dire tes deux parents, de te faire associer quoi que ce soit avec moi, dont tu n'as aucune science, alors ne les obéis pas. La fala tuti'huma. Ça, c'est rapporté dans Siyar A'lam al-Nubala, le volume 1, à la page 109. Ensuite, le Cheikh il dit: وفي قصة عاصم بن ثابت ابن الأقلح الأنصاري الذي حلف حين أسلم أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك ووفى في حياته، فلما قتل في موقعة الرجيع أراد المشركون أن يأخذوا جثته فيبيعوها من مشركي قريش، فأرسل الله ظله من الدبر فحتمه منهم حتى ثم أرسل الله المطر فجاء السيل فاحتمل جثته فلم يدروا أين ذهبت. Le Cheikh il mentionne un autre exemple. Lorsque un des Sahaba s'est converti à l'islam, c'est un des Sahaba qui s'était converti, qui s'appelle Asim ibn Thabit ibn al-Aqlah al-Ansari. Lorsqu'il s'est converti à l'islam, il avait fait un serment qu'il n'allait pas toucher un mushrik et qu'un mushrik ne le toucherait pas. Et durant sa vie, il a respecté ce serment-là. Lorsqu'il est mort, durant la bataille de Ar-Rajir, les mushrikoun ont voulu justement prendre son corps après sa mort pour le vendre aux mushrikins de Quraysh. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir comme un ombre qui l'a caché d'eux, et puis par la suite Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber la pluie, et puis le courant qui est venu par la suite à cause de l'eau qui est venue, ça a fait comme un courant qui a fait justement partir son corps. Et lorsqu'ils l'ont cherché par la suite, ils ne l'ont pas trouvé. C'est-à-dire les mouchilikoun n'ont pas été capables de retrouver son corps parce que le courant l'avait emporté. Ensuite, ça c'est le Cheikh dit: وَهَذِهِ نَمُوذَجْ مِنْ بَرَاءَةِ الصَّحَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُبْتَدِعِينَ ولكنكم قد عكستم القضية تبعا لقادتكم الذين قلدتموهم وعظمتموهم، فأنتم تتبرؤون من الموحدين وتتولون المشركين. ألم يعظم التنظيم الدولي للإخوان الرافضة ويحكم لهم بالإسلام دون سائر الدول ومنها المملكة العربية السعودية وهي الدولة الوحيدة التي قامت منذ قامت في أول عهد صقر الجزيرة الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة الأبرار الأخيار، وتبعه على ذلك أبناؤه الكرام رحم الله من قد مات وحفظ من بقي، وهي الدولة الوحيدة التي تحكم الشرع أو تحكم الشرع وتحكم به في محاكمها، وهي الدولة الوحيدة التي ليس فيها أضرحة ولا مشاهد يدعى أصحابها ويدرس فيها التوحيد من أول سنة في الابتدائي إلى آخر سنة في الكلية، ومع ذلك يقول التنظيم الدولي للإخوان: ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن العشرين ليثبت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية. Donc le cheikh ici, il explique ici en disant que c'est juste un résumé qu'il a dit, le cheikh, de la façon dont les sahaba se désavouaient des mushrikines et des innovateurs. Mais il semble que vous avez renversé la question et le problème. En réalité, on voit que vous avez obéi et suivi vos têtes, vos chefs, dans ce qu'ils vous ont ordonné de faire, et vous les avez suivis aveuglément, hein, et vous les avez tellement élevés et agrandis que vous vous désavouez des gens qui sont sur le tawhid et vous prenez pour alliés les mushrikins. N'est-ce pas que votre organisation, ou bien l'organisation internationale des Ikhwan, ils ont exalté et respecté, glorifié les Rafidah. Les Rafidah, c'est les Shia en Iran et au Liban, puis dans différentes régions. Rafidah. On les appelle Rafidah. Et, yani, ils ont, le Cheikh, il dit, vous avez jugé que ce sont eux seulement qui appliquent l'islam parmi tous les pays musulmans. Donc c'est ça ce qu'ils ont décrété, le groupe des Ikhwan, dans leur organisation internationale. Ils ont décrété que le seul pays musulman dans le monde, c'est l'Iran. Et le seul qui juge selon l'islam, selon eux, c'est l'Iran. Et ça, effectivement, vous le constatez dans leur présentation et dans leurs écrits, dans leurs conférences, ils défendent toujours l'Iran. Et ils considèrent que l'Iran, c'est le modèle à suivre en ce qui concerne les pays islamiques. Et, bien entendu, ils ne prennent pas en considération le fait que ce sont des gens qui font du shirk et qui insultent les sahaba et qui adorent les tombes, hein, et toutes ces choses-là qui sont des choses qui sont en opposition avec l'islam. Donc le cheikh, il dit, comment vous pouvez justement considérer que ce pays-là est le seul pays qui est sur l'islam en dehors des autres pays, et même ne même pas considérer l'Arabie Saoudite, hein, parmi les pays qui appliquent l'islam, alors que c'est le seul pays, le Cheikh, alors que c'est le seul pays qui a été fondé. C'est pas qu'il est devenu comme ça avec le temps, non, il a été fondé sur justement le tawhid, hein, depuis que l'État a été établi dans la péninsule arabe par le roi Abdelaziz rahimahullah. Et que c'est également ses fils qui l'ont suivi, rahimahumullah. Donc le cheikh, il dit qu'il est resté sur cette voie du tawhid, et il a établi ce pays-là sur le tawhid jusqu'à sa mort. Donc, c'est le pays, ou bien le cheikh dit, c'est le seul pays qui juge selon la charia dans le monde musulman. Et les tribunaux là-bas sont basés sur les règles de la charia. Et c'est le seul pays dans lequel on ne retrouve pas des tombes et des mausolées et des endroits où les gens vont prier les morts et adorer les morts. Contrairement à ce que tu retrouves dans les autres pays musulmans où les gens vont adorer les morts de façon ouverte et publique, et comme si c'était des choses qui sont permise et acceptée dans ces pays-là, comme si le shirk était accepté dans beaucoup d'autres pays musulmans dans le monde, et en particulier en Iran justement, où non seulement c'est quelque chose qui est accepté, mais c'est quelque chose qui est considéré comme faisant partie intégrale et fondamentale de leur religion, hein, parce que leur religion est basée là-dessus, sur l'adoration des morts. Donc le cheikh, il dit, tu ne trouves pas en Arabie Saoudite d'endroits pareils comme des adriha ou des mashahid que les gens vont adorer et invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, on trouve que dans l'éducation en Arabie Saoudite, depuis les premières années d'études, que ce soit les primaires jusqu'à l'université et le doctorat, eh bien, on a un enseignement qui est basé et qui enseigne sur le tawhid, hein, et qui enseigne le manhaj des salafs et la aqidah des salafs. Donc, malgré tout ça, on retrouve dans les écrits des Ikhwan que, yani, comme par exemple dans leur yani, déclaration internationale, ils disent que le pays qu'ils considèrent comme étant un pays musulman, c'est l'Iran. Et ils disent que c'est le pays unique, le seul dans le monde qui s'est imposé par le sang de son peuple dans le XXe siècle et qui a établi le jugement d'Allah au-dessus du jugement des dirigeants et au-dessus du jugement de, des colonialistes et du zionisme international. Donc, ça c'est qu'est-ce qu'ils disent dans At-Tanzim al-Dawali à la page 46. Donc le cheikh il dit فانظر إليه لم يثبت الإسلام إلا لدولة إيران ومع ما فيها من شركيات وعقائد فاسدة أما السعودية التي قامت على التوحيد من أول يومها وما زالت عليه حتى الآن فقد أسقطها من الحساب. Et donc le cheikh il dit regardez comment ils ont justement affirmé l'islam de l'Iran. Et malgré tout ce qu'elle a comme aqida et contradiction à la sunna et à l'islam, et ils n'ont même pas calculé l'Arabie Saoudite, qui est établie sur le tawhid, depuis le premier jour, jusqu'à aujourd'hui. Ils ne l'ont même pas calculé. هذا قول من يؤمن بالتوحيد وأنه لا يصح إيمان عبد إلا به. أتكون الدولة التي تكفر أبا بكر وعمر وسائر الصحابة وما عدا علي ابن أبي طالب عادة معه ويستثنونهم أتكون الدولة المسلمة دون السعودية التي عاشت وما زالت على منهج السلف. الشيخ الزي est-ce que c'est ça l'attitude du mu'min, celui qui est sur le tawhid et qui croit au tawhid? Subhanallah, c'est ça l'attitude des gens qui considèrent qu'un pays qui déclare Abu Bakr et Omar comme étant des kuffars, et de même que le reste des sahaba, excepté Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, et un petit nombre parmi les sahaba, et que le reste sont tous des kuffars, est-ce que c'est ce pays-là qui est considéré comme étant un pays musulman, alors que l'Arabie Saoudite, lui, n'est pas considéré comme étant un pays musulman? Ça, c'est l'attitude de ces gens-là. Et justement, même dans des conférences qui ont été données par, j'écoutais dans des citations justement de Tariq Ramadan, où il critique les pays musulmans, et il mentionne différents, par exemple, différents pays. Donc, il parle de l'Arabie Saoudite, subhanallah. Quand il commence à parler de l'Arabie Saoudite, c'est vraiment la façon dont il en parle, c'est comme s'ils ne sont même pas des musulmans. Aucune pitié, aucune rahma, rien. Que du mal, que du négatif, que du mal à dire. Puis après, il parle de l'Iran. Que de la glorification, que des honneurs et des louanges pour l'Iran. Sans jamais parler ou mentionner du shirk, de l'invocation et de l'adoration des tombes et des morts. Sans jamais mentionner le takfir des sahaba et l'insulte des sahaba de la part de ces gens-là. Sans mentionner beaucoup d'autres aussi des questions et des problèmes sociaux. Non, juste mentionner le bien qu'il voit. Et yani subhanallah, même quand il parle des pays non musulmans, yani des pays kuffars, il dit aux musulmans, il ne faut pas voir le mal seulement quand on parle des pays européens et occidentaux. Il parle de la France, il parle des autres pays occidentaux, il dit mais il faut pas juste voir le mal, il y a du bien aussi, subhanallah. Comment quelqu'un peut ordonner la justice, peut ordonner le bien envers les kuffars, et quand c'est le temps de l'appliquer à des musulmans, à tes frères en islam, par exemple l'Arabie Saoudite, aucune pitié, aucune rahma, rien, que du mal. Et subhanallah, il n'y a rien de bien là-bas en Arabie Saoudite, c'est que du mal seulement. Comment ça se fait, les pires pays au monde où il y a le plus de corruption, de dalal et de shirk, vous trouvez des bonnes choses à dire? Mais quand c'est le temps de parler du pays qui est sur le tawhid et du pays qui enseigne le tawhid et qui combat les bid'ah et qui combat l'égarement et qui applique la sharia et qui a établi un état islamique, hein, vous n'avez aucune pitié, aucun égard envers eux. Subhanallah wa bihamdi. Ça, c'est des choses incroyables. De même que pour d'autres pays aussi qui étaient sur le manhaj des Ikhwan, comme le Soudan par exemple, il avait beaucoup de défense envers le Soudan, puis beaucoup de glorification, parce que c'est des Ikhwan qui avaient pris le pouvoir là-bas avec Hassan al-Turabi. Hein? Donc, on va en parler de ça dans le livre, et le Cheikh il en mentionne des points là-dessus. Donc, le Cheikh, maintenant il entre dans une partie du livre où il va énumérer, point après point, différentes formes d'égarement qui se retrouvent dans des individus qui font partie du groupe des Ikhwan. Et donc, tout ça, c'est pour montrer en fait l'importance de ne pas se taire vis-à-vis de l'égarement et vis-à-vis des gens qui, justement, suivent un manhaj qui est dévié. Et les gens de Hizbi, hein, les gens qui suivent des partis et des groupes, ils ne veulent pas qu'on les dénonce. Parce que ce sont des gens qui suivent un programme et qui veulent embarquer le plus de musulmans avec eux. Et ça, c'est l'attitude et c'est la voie des gens qui suivent qui ont des intérêts politiques. Et je lisais dernièrement les paroles du cheikh Falah Ismail Al-Mundakar. Quand il a parlé dernièrement en Angleterre, il disait, yani, c'est ce qui se passe avec beaucoup de groupes, hein, comme par exemple certains groupes qui se disent salafis aujourd'hui, ils commencent au début sur le tawhid et sur la sunna. Puis petit à petit, hein, tu vois que leur discours et leurs paroles commencent à changer et ils deviennent politiques. Et puis après, une fois qu'ils sont entrés dans la politique, ils ne font plus de da'wah, ils n'expliquent plus la vérité, ils ne disent plus les choses telles qu'elles sont. Ils commencent à changer leur discours, ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus rien faire, ils deviennent paralysés à cause justement de ce manhaj politique qu'ils suivent, hein, qui les paralyse en réalité, parce qu'ils ne peuvent plus dire la vérité et être francs et directs et clairs et enseigner aux gens la réalité de l'islam. Donc c'est ça le danger de toutes ces formes de hizbiya. Donc le cheikh il mentionne justement, il dit wa inna jam' al-banna bayna al-akhlat al-mutadadda wa za'muhu annahum kulluhum muslimun yadullu 'ala jahlihi al-ghaliz bit-tawhid wa qad istankarahu fi hadha as-sani' kathirun min an-nas hatta mimman kanu min atba'ihi انطلاقا من المبدأ الذي أسسه والذي يقول فيه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فاسمع إلى محمد سرور زين العابدين الذي قضى في المنهج الإخواني عقدا من الزمن يقول في نقده اللاذع للمنهج الإخواني لم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من الاتجاهات المختلفة المتبينة ولقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخلائق وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى ومللت من ترداد من حولي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد وهذا الإعذار يعني أنه لا فرق يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع. Donc, ça c'est une parole, le cheikh il dit que le regroupement que Al-Banna fait, hein, Hassan Al-Banna, le regroupement qu'il a fait de rassembler tous les groupes mélangés ensemble, Hein, selon ce, ça c'est le cheikh, il dit, il les rassemble tous ensemble, des gens qui se disent musulmans, n'importe qui, c'est pas important pour Hassan al-Banna, les gens de cette jama'a, c'est pas important qu'est-ce que tu suis, qu'est-ce que tu as comme aqida, l'important c'est que tu rentres avec eux dans la jama'a, dans le groupe, et que tu défends les idées, les principes de la jama'a, comme un parti politique aujourd'hui. Dans un parti politique, comme par exemple, que ce soit communiste ou les partis qui existent, je ne sais pas, en France, il y a des partis. Ici, il y a des partis. Quelqu'un peut être, par exemple, ici, dans n'importe quel parti libéral, conservateur, soi-disant, et prétendre suivre n'importe quelle religion par la suite. Sa religion, c'est son problème. Eux, ils mélangent, ils séparent justement entre la religion et la politique ou les principes politiques. Alors, les Ikhwan, c'est la même chose en réalité. Ils disent qu'ils défendent l'islam et qu'ils veulent appliquer l'islam, mais à l'intérieur, tu peux faire ce que tu veux, tu peux croire en ce que tu veux. Du moment que tu acceptes les principes du parti, t'es bienvenu. Donc, c'est, bien entendu, c'est contradictoire avec les enseignements de l'islam et le manhaj de l'islam. Et ça a été critiqué même par des gens qui faisaient partie de ce groupe-là et qui ont quitté le groupe, justement, en se basant sur le fait que ces gens-là, ils disent, on doit coopérer entre nous sur les choses sur lesquelles nous sommes d'accord et nous excuser mutuellement lorsque on est en divergence sur quelque chose, on doit s'excuser entre nous. Ça, c'est leur règle d'or qu'ils utilisent. Et ils mentionnent même les paroles de Mohamed Zain Abidine Sourour. Mohamed Zain Abidine Sourour, c'est celui qui habite en Angleterre, qui a quitté l'Arabie Saoudite pour aller en Angleterre. C'était un des Ikhwan qui vivait en Arabie Saoudite et qui a laissé tomber une partie du manhaj des Ikhwan parce qu'il a compris et il a cru en certaines parties de la aqida des Salaf. Toutefois, il a gardé en lui beaucoup d'autres idées qui sont contraires au manhaj des Salaf. Et il s'est établi en Angleterre et il a établi un magazine pour combattre la sunna et pour combattre les salafis et la da'wa salafiya là-bas au nom de la da'wa salafiya. Et donc, ils se prétendent salafis et ils suivent les méthodes et les voies des Ikhwan et des Khawarij. Donc, lui-même, il a fait une critique des Ikhwan. Et dans cette critique-là, il dit que sa raison ne pouvait plus accepter la présence d'une jama'a dans laquelle on retrouve un salafi, un soufi, un ash'ari, un khariji, ou des gens qui appellent à la voix des mu'tazila et des rationalistes, l'aqlaniya. Donc, toutes ces tendances-là et ces orientations-là différentes et opposées se retrouvaient dans une seule et même jama'a. Et ça, c'est la réalité de la da'wah des Ikhwan aujourd'hui. Tu retrouves à l'intérieur des rangs de cette jama'a des gens de n'importe quelle et de toutes les tendances. Même aujourd'hui, tu trouves parmi eux des laïcs, tu trouves parmi eux des gens qui sont avec des positions et des idées contraires à l'islam, contraires à la sunna. Malgré tout, ils sont acceptés parce que ils marchent dans les lignes et dans les voies de cette jama'a. Donc, ensuite, il continue, Zain Abidine Sourour, il dit, et j'ai été dégoûté de cette politique de rassemblement sans aucun fondement. Et j'ai trouvé que c'était pas quelque chose de bon, de juste avoir l'idée de vouloir rassembler tout le monde autour d'une cause ou autour de quelque chose sans aucun fondement, comme le font les gens de cette jama'a. Et j'en suis arrivé à croire que c'était une politique qui était vouée à l'échec et que cette planification ou cette organisation là de toutes sortes de mondes mélangés qui croient en toutes sortes de choses différentes, eh bien ça pouvait jamais avoir le succès, ça pouvait jamais fonctionner, même s'ils s'imaginaient eux de leur côté qu'ils étaient proches, très très près de la victoire. Et j'étais très ennuyé, et comme s'il en avait assez, de toujours entendre les gens autour de lui répéter « on doit s'excuser entre nous si on a des choses sur lesquelles on est en divergence ». Comment on pourrait s'excuser les uns les autres hein, dans les divergences qui sont contradictoires et opposées. Hein. Ce genre de, d'excuse يعني, ne peut pas être accepté. هذا الإعذار يعني أنه لا فرق يستحق الذكر أو يستحق الذكر أو يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع وإن من أعظم الأدلة على جهل أصحاب المنهج الإخواني بالتوحيد عدم اهتمامهم به وعداوتهم لأهله. Donc, Zain Abidine Surur, il dit justement, après, à la fin, les paroles que Cheikh Al-Najmi, il mentionne de lui, il dit, comment on pourrait s'excuser? Hein? Si on s'excuse dans les choses qui sont contradictoires, ça veut dire qu'il y a aucune, selon eux, il n'y a aucune divergence qui mérite d'être mentionnée, ou aucune différence qui mérite d'être mentionnée entre les salafis et les mu'tazila, par exemple, les gens qui suivent la voie des mu'tazila aujourd'hui et qui mettent leur raison au devant de la révélation, et ainsi que les autres gens de bid'ah. Donc ça, c'est quelque chose, bien entendu, qui n'est pas acceptable. Et il dit également une preuve du fait que ces gens-là, parce que les ikhwan, vous allez trouver que ces gens-là, en réalité, actuellement, les Ikhwan et ceux qui suivent les tendances des Ikhwan, même s'ils font pas partie du groupe Ikhwan Muslimin eux-mêmes, on trouve que les gens de cette tendance-là, ils détestent le Tawhid. Ils détestent les Salafis plus que tout le monde. Et en fait, ils aiment tout le monde, même les Kuffars, sauf ils détestent les Salafis. Ils ont une haine incroyable contre tout ce qui a rapport avec la da'wa salafiyya, le manhaj des salaf, le tawhid et la sunna. Et donc, le cheikh, justement, il donne des exemples de ça. Et il dit que ça, c'est la plus grande preuve de leur ignorance du tawhid. Il dit, la preuve qu'ils sont contre le tawhid, c'est qu'ils ne s'en occupent pas. Ils ne lui donnent aucune importance. Hein? Donc تجمع فضائل الشيخ اللي هو عدم اهتمامهم به وعداوتهم لأهله. Ils sont opposés à ceux qui sont qui défendent le tawhid, ils s'opposent à eux. وتجمع فضائل المجاهدين جميعا على جماعة جميل الرحمن في كنر وقتالهم له ولهم. وأخيرا اغتيالهم لرئيسهم وقضاؤهم على دعوة التوحيد في أفغانستان ولقد فزعوا أشد الفزع حين رأوا جميل الرحمن أسس ولايته أكثر من 200 مدرسة تدرس فيها كتاب التوحيد أو كتب التوحيد التي ألفها ذلكم الإمام العظيم المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثل ثلاثة الأصول والأربعة القواعد وكشف الشبهات وكتاب التوحيد لقد جن جنونهم حين رأوا التوحيد ينتشر في أرض أفغانستان التي أراد أصحاب الجهاد فيها أن تنتشر عليها الصوفية بكراماتها المكذوبة التي يروج لها بالباطل حين كانوا يزعمون أن من قتل في هذا الجهاد تنبعث من جثمانه رائحة المسك. Le cheikh, il dit également, parmi les preuves de leur opposition au tawhid, c'est qu'est-ce qu'on a vu, par exemple, du fait que les gens qui faisaient partie des mujahidines en Afghanistan, il dit qu'ils s'étaient réunis tous contre le groupe de Jamil al-Rahman dans la région de Kunar en Afghanistan. Ils se sont tous réunis, tous les groupes, pour le combattre. Et ils ont fait un attentat contre Jamil al-Rahman pour le tuer et pour détruire et arrêter sa da'wa au tawhid en Afghanistan. Parce que Jamil al-Rahman en Afghanistan, il avait établi dans sa région, il avait établi la charia et il avait établi, comme le cheikh il le mentionne, plus que 200 écoles dans lesquelles on enseignait Kitab al-Tawhid, al-Usul al-Thalatha, القواعد الأربعة كشف الشبهات Donc, les cheikhs, ils ont été pris de peur et d'effroi quand ils ont vu que Jamil al-Rahman avait établi ça. Et c'était un salafi, Jamil al-Rahman. Hein? Et donc, ils ont eu peur lorsqu'ils ont vu ça et qu'il a établi plus que 200 écoles pour enseigner le tawhid en Afghanistan. Alors, quand ils ont vu ça, ils sont devenus fous. Ils ne voulaient pas que le tawhid se répande sur les terres d'Afghanistan. Et les gens qui se prétendaient, il y en a qui se disaient pour le djihad là-bas, ils voulaient quoi? Ils voulaient plutôt que ce soit le soufisme qui se répande en Afghanistan avec ses faux miracles qu'il faisait circuler partout de façon mensongère. Et il faisait croire aux gens que celui qui se faisait tuer dans le djihad là-bas, son corps faisait sortir l'odeur du musc. Hein, et qu'une fois qu'il était mort, on sentait le musc sortir de son corps. وَلَقَدْ رَاجَتْ تِلْكَ الْأَكَاذِيبِ الَّتِي كَانَ يُرَوِّجُهَا الْإِخْوَانِ. Il dit, ce sont les ikhwans qui faisaient circuler ces mensonges-là. Hein, et... ces mensonges-là se sont répandus. وَنَشَرَهَا عَبْدُ اللَّهِ عَزَّامِ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ آيَاتُ الرَّحْمَنِ فِي جِهَادِ الْأَفْغَانِ. Et Abdullah Azzam, un des ikhwans qui était en Afghanistan, hein, il a fait circuler ces mensonges-là lui aussi dans ce livre, dans son livre qu'il a écrit, آيَاتُ الرَّحْمَنِ فِي جِهَادِ الْأَفْغَانِ. Les signes ou les miracles d'Allah dans le djihad afghan. Il dit, وَلَقَدْ قَرَأْتُ ذَلِكَ الْكِتَابَ أَوْ بَعْضَهُ عَلَى جَمَاعَةِ مَسْجِدِي مُقْتَنِعًا بِمَا فِيهِ وَمُعْجِبًا بِهِ بَلْ وَغَضِبْتُ عَلَى مَنْ جَادَلَنِي فِي صِحَّةِ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ الْخَبَرَ الْوَارِدَ أَنَّ الشُّهَدَاءَ يَكُونُ دَمُهُمْ رَائِحَتَهُ رَائِحَةَ الْمِسْكِ مُقَيَّدٌ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ورغم أني أعرف جيدا أن الحديث مقيد بيوم القيامة إلا أن ذلك راجع علي الأمرين لأمرين. الأمر الأول أني اعتقدت في ذلك الوقت أن الله عجل ذلك في الدنيا لأن جهاد الأفغان جهاد حق لكونهم يقاتلون الملحدين. والأمر الثاني إني اعتقدت أن الإخوان المسلمين صادقون في كل أقوالهم وأنهم لا يكذبون. وزادني اغترارا بهذا القول أن الشيخ عبد الله عزام رحمه الله قال إنه شهد عنده بذلك رجال لو كانوا عند البخاري ومسلم لما عدل من شهادتهم ولا روي عنهم. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ça, je pense, c'est encore les paroles de Zain al-Abidine Sourour, en fait. Et il dit, c'est ça, il dit qu'il a, au début, lu le livre de Abdullah Azam, ou une partie de son livre, à un groupe dans sa mosquée, et il était convaincu de ce qui était écrit dans ce livre-là. Et il était ébloui par ce qui était écrit dans ce livre. Et même qu'il se fâchait avec ceux qui disputaient avec lui l'authenticité ou la véracité de cette affirmation. Et de ceux qui clarifiaient justement et qui lui répondaient que le sang des martyrs, quand le hadith qui dit que le sang des martyrs va sentir le musc, ça c'est uniquement au jugement dernier, c'est pas dans cette vie. Et quand les gens lui répondaient ça et lui clarifiaient ça, lui, il se fâchait et il ne voulait pas accepter ça. Même s'il dit, même si je savais moi-même très bien que ça se limitait au jugement dernier, toutefois, je continuais à vouloir croire que c'était vrai, premièrement, parce que je croyais que Allah avait peut-être précipité cette chose pour eux dans cette vie d'ici-bas, puisque c'était, soi-disant, il dit, puisque le djihad en Afghanistan était un vrai djihad parce qu'il combattait les athées. Et deuxièmement, il dit, je croyais cette chose-là parce que je croyais que les ikhwan al-muslimin étaient sincères et francs et qu'ils disaient la vérité dans tout ce qu'ils disaient et qu'ils ne mentaient jamais. Et donc, il dit, qu'est-ce qui m'a trompé au sujet justement de cette parole-là? C'est la parole de Abdullah Azzam lui-même, lorsqu'il disait que il avait été témoin de cette chose-là lui-même, hein, et que les gens qui ont été témoins de ça, qui étaient avec lui, c'est des gens qui, et il a dit à leur sujet, c'est des gens que si ils étaient auprès de l'imam al-Bukhari et de Muslim, eh ben, l'imam al-Bukhari et Muslim auraient accepté leur témoignage et ils auraient rapporté des hadiths d'eux en voulant dire qu'ils ont une authenticité puis une honnêteté qui est comparable à celle des rapporteurs de hadiths de qui l'imam al-Bukhari et Muslim ont accepté les hadiths. Donc c'était à cause de cette parole-là, soi-disant, qu'il avait été trompé et qu'il avait accepté cette idée à propos de des martyrs, soi-disant, ou des gens qui étaient tués en Afghanistan. Et il disait que c'était des martyrs et qu'ils sentaient sortir de leur corps l'odeur du misc. Et même moi-même, je me souviens, des gens racontaient ces choses-là à Montréal puis ailleurs. Ils disaient, ah oui, ils sentent l'odeur du musc et des trucs de ce genre. Et tout ça, c'est des mensonges. Parce que ces gens-là, ils racontaient toutes sortes de mensonges pour inciter les gens, justement, à partir avec eux, puis à participer avec eux dans leurs affaires. Après, le cheikh, il dit, Faslun, thumma ta'akkada indi. En fait, ça, je pense encore une fois, c'est la suite des paroles de Zain al-Abidin. سرور. إذا ثم تأكد عندي أن أصحاب المنهج الإخواني يتدينون بالكذب إذا كان لمصلحة الدعوة كما زعموا، والحقيقة أنهم يستعملون الكذب إذا كان لمصلحة حزبهم، إما لرفع من شأن رجاله ومن يواليهم، وإما للحط من شأن من يخالفهم ويبين بطلان ما هم عليه من حزبية ممقوتة، ولقد أصبح ذلك مشهورا عنهم وواضحا من حالهم وأعمالهم، وللمتتبع لأعمالهم وأحوالهم والمطلع على ما كتب عنهم أو قيل عنهم ممن اختروا بهم ثم تركوهم، والمهم أنه قد اتضح كذبهم في هذا الزعم فيما بعد، ومما يبين كذبهم ويزيده وضوحا بصورة أكثر أن إذا قرأنا في سير السلف لا نجد ذلك حصل للشهداء الصحابة الذين قتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حصل لأحد من الصحابة الذين استشهدوا في الفتوح بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في القرون المفضلة في جهادهم وقتالهم للكفار، ولا ادعاه أحد بعدهم. Donc le cheikh il dit, après il dit, puis ensuite, là, encore une fois, je vais vous avouer sincèrement ici que je ne sais pas si c'est la suite de la critique de... Zain al-Abidin Surur qui est mentionnée, ou bien est-ce que c'est la parole du Cheikh Ahmed al-Najmi. Parce qu'il n'y a pas de... Malheureusement, il n'y avait pas de séparation entre... Il n'y avait pas de parenthèse justement entre le début puis la fin de la citation, donc je ne peux pas vraiment savoir, mais de toute façon, la critique elle est vraie, elle est bonne, Inch'Allah. Donc, et ça c'est les paroles que le cheikh a mentionnées dans le livre, juste pour que vous compreniez en même temps le principe. Le cheikh il dit, et par la suite j'ai compris, et ça c'est confirmé pour moi, que les gens qui suivent le manhaj des Ikhwan, ils utilisent le mensonge. Et ils prétendent que c'est pour le bien de la da'wa, comme ils le prétendent. La réalité, c'est qu'ils utilisent le mensonge pour le bien de leur groupe. Soit pour élever une personne parmi eux, parmi les gens qui font partie de leur groupe, pour l'élever, pour que les gens se rattachent à lui, ou bien qu'ils mentent contre quelqu'un qui les critique et qui s'oppose à eux. Hein? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer des mensonges pour salir la réputation de cette personne-là qui est en train de montrer leur égarement et leur mensonge pour protéger et défendre leur parti et leur groupe. Donc, ils mentent pour des choses comme ça. Et c'est ce qu'on a remarqué. وَلَقَدْ أَصْبَحَ ذَلِكَ مَشْهُورًا عَنْهُمْ. Ça, c'est quelque chose qui est devenu très, très populaire, hein, très, très connu à leur sujet, et clair aussi de leur état et de leur, dans leur situation et dans leurs actions également. Et celui qui suit et qui observe, hein, leurs actions et leur situation, et qui regarde qu'est-ce qui est écrit dans leurs livres, ou qu'est-ce qui a été dit à leur sujet par des gens qui ont été trompés par eux puis qui les ont abandonnés par la suite, l'important c'est qu'on réalise que ce sont des gens qui mentent. Et Ali, il dit, j'ai constaté ça moi-même par la suite. C'est-à-dire, il a constaté que, par exemple, l'exemple de dire que les martyrs ou les gens qui étaient tués en Afghanistan, ils sentaient le musc lorsqu'ils mouraient. Il dit, j'ai constaté que ça, c'était un mensonge. Et parmi les choses qui m'ont prouvé, qui m'ont clarifié que c'était un mensonge, la chose la plus claire, c'était que j'ai lu la vie des salafs. Dans l'exemple de la vie des salafs et la biographie des salafs, j'ai pas trouvé aucun exemple au sujet des martyrs parmi les sahaba qui ont été tués avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque. Que leur sang sentait le musc. On n'a jamais entendu ça. On n'a jamais non plus entendu qu'aucun des sahaba qui sont morts dans les conquêtes après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il a senti le musc après sa mort. De même que dans les trois premiers siècles de l'islam, quand ils ont fait leur lutte et leur djihad contre les koufars à l'époque, on n'a jamais trouvé que leur corps sentait le musc. Hein? Et personne non plus ne l'a prétendu après eux. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ شُهَدَاءَ الْإِخْوَانِ أَفْضَلُ مِنْ شُهَدَاءَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ قُتِلُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ سَائِرِ الشُّهَدَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِ الْأَتْبَاعِ فِي الْقُرُونِ الْمُفَضَّلَةِ وَلِذَلِكَ وَجَدْتُ مِنْ شُهَدَائِهِمْ فَلِذَلِكَ وُجِدَتْ من شهدائهم رائحة المسك دون شهداء الصحابة وسائر السلف إما أن يكون الإخوان كاذبين مموهين وأما ما دونك ça donc il dit c'est ce que ces gens-là prétendent la personne qui si ce soit le sheikh ou bien la citation que le cheikh mentionne, dans cette citation, on lit, soit que les shuhada des ikhwan, les martyrs des ikhwan sont meilleurs que les martyrs des sahaba, ceux qui ont été tués avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et meilleurs également que les martyrs des musulmans qui sont venus à l'époque des tabi'in et de ceux qui ont suivi les tabi'in parmi les meilleurs siècles. Et c'est pour ça que tu trouverais dans les martyrs soi-disant des Ikhwan l'odeur du misk, hein, mais tu le trouves pas dans pour les martyrs qui font partie des sahaba et des autres parmi les salafs. Donc soit que les Ikhwan, soit qu'ils sont menteurs, ou bien qu'ils sont confus ou autre chose. Donc il dit ensuite أما ما نقله عبد العزام رحمه الله في كتابه آيات الرحمن في جهاد الأفغان عن كنز العمال معزوا إلى أبي نعيم في المعرفة عن محمد بن الشرحبيل قال اقتبض إنسان من تراب قبر سعد بن معاذ رضي الله عنه ففتحها فإذا هي مسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجهه وهذا لا يثبت وأبو نعيم له نقول كثيرة لا تثبت في الحلية وغيرها ولو كان مثل هذا صحيحا لا نقله أهل الكتب المعتمدة في فضائل سعد وأنا أؤمن بكرامات الأولياء ولكن ما لم يكن كرامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كرامة لغيرهم. Il mentionne ensuite que Abdullah Azzam aurait mentionné dans son livre Ayat al-Rahman fi Jihad al-Afghan, il a cité de Kunz al-Ummal, et cette parole-là est dans le livre Kunz al-Ummal, attribué à Abi Na'im dans Al-Ma'rifa, selon Muhammad ibn Sharhabil. Il dit qu'il y a un homme qui a pris de la tombe de la terre de la tombe de Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, puis il l'a ouvert et il a trouvé du musc. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit subhanallah subhanallah, et on a vu il y a un changement dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il disait subhanallah subhanallah. Il dit toutefois cette citation là elle n'est pas authentique, elle n'est pas confirmée, et Abu Na'im il rapporte beaucoup de citations dans Al-Hilya qui ne sont pas authentiques et dans d'autres livres également. Et si de telles paroles étaient authentiques, les ulama ou les savants des autres livres qui sont des livres de référence, ils auraient mentionné ce genre d'histoire dans les mérites de ce compagnon Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. Et il dit je crois au miracle des awliya, mais ce qui n'est pas un miracle pour les sahaba ou un prodige pour les sahaba, alors ça ne peut pas être un prodige pour autre qu'eux. وقد ذكر عبد الله عزام في كتابه المذكور سابقا صفحة 124 تحت عنوان رائحة الشهداء قال فيه أصبحت رائحة دم الشهداء معروفة لدى المجاهدين وأصبحوا يشمونها من مكان بعيد. حدثني أرسلان قال عرفت مكان الشهيد عبد البصير في الليل المظلم من رائحة العطرة ورائحة الشهيد وليجان بعد 2.5 كيلومتر. ذكر قصصا من هذا القبيل ليثبت ما ادعاه. Il dit, et Abdullah Azzam il a mentionné dans son livre à la page 124 sous le titre la senteur ou l'odeur des shuhada, des martyrs. Et il a dit dans ce livre là qu'il était capable de sentir l'odeur des martyrs d'une très très longue distance, hein. Il pouvait arriver à sentir l'odeur à des kilomètres. Et il a mentionné, il a dit que Arsalan m'a dit qu'il a trouvé l'emplacement du corps d'un martyr qui s'appelait Abdul Basir dans une nuit obscure et noire par son odeur de parfum. Il a dit que c'est comme ça qu'il l'avait retrouvé. Et un autre exemple aussi qu'il a mentionné, il a dit qu'il a senti l'odeur du martyr qui s'appelait Wali Jan d'une distance de 2.5 km. Et il a mentionné des histoires de ce genre pour essayer de supporter ce qu'il prétendait. Le chef ensuite il dit Wasma, ila hadith al-Mustafa alladhi la ya'tarihi shak ولا تتسرب إليه ريبة. روى البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلامه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك كل كلام يكلمه المسلم في سبيل الله وفي رواية كل كلام يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها حين طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف مسك وفي رواية ثالثة لا يكلم أحدكم أو أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة واللون لون دم والريح ريح المسك وهذه روايات البخاري في الجهاد من باب من يخرج في سبيل الله والوضوء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء والذبائح وباب المسك ولأبي داود والترمذي والنسائي عن معاذ بن جبل ضمن حديث من جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها المسك الحديث صحيح وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك وهذه الأحاديث وما في معناها تفيد أن رائحة دم الشهداء إنما تكون مسكا يوم القيامة أما اليوم أي في الدنيا فإن الحياة قد جعل الله لها سننا لا تختلف وأنا أؤمن بأن الله قادر على خرق السنن وخرق السنن لا يكون إلا في معجزة نبي أو كرامة ولي والكرامة تكون لشخص واحد إذا دعت الحاجة إليها والولي يجب سترها وإخفاؤها والولي يحب سترها وإخفاءها ولا يحب نشرها أما أن يكون جميع الشهداء أو أكثرهم توجد منهم رائحة المسك وينبعث من أجسامهم نور فهذا لا أصدقه وربما كانت مثل هذه الأخبار ذريعة إلى الشرك وسيصبح هؤلاء يعبدون من دون الله لأن أهل الجهل من عادتهم أنهم يعبدون من ظنوا فيهم الولاية كما صنع أهل الجاهلية مع اللات فلو حصل شيء من ذلك بالفعل لكان الأولى ستره ولا نشره والله الموفق. Donc pour terminer, le cheikh il mentionne le hadith qui parle justement de ce fait-là, les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que comme par exemple c'est mentionné dans il dit dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportées par Al-Bukhari et Muslim et par l'imam Malik dans Al-Muwatta et Al-Tirmidhi et Al-Nasa'i selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui aura une blessure qu'il a reçue dans le chemin d'Allah lorsqu'il va venir au jugement dernier sa blessure va être en train de saigner au jugement dernier et la couleur c'est la couleur du sang mais l'odeur c'est l'odeur du musc et il y a une autre narration qui mentionne ça également que celui-là qui s'est fait blesser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va arriver au jugement dernier, le martyr, il va arriver au jugement dernier et sa blessure va couler du sang et l'odeur sera l'odeur du musc. Et dans une troisième narration, donc c'est toujours la même signification pour dire que ça c'est au jugement dernier parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam spécifie yawm al-qiyama, au jour de la résurrection. Donc c'est pour dire que c'est pas quelque chose qui se produit dans cette dunya. Et il y a également des narrations de ça dans Al-Bukhari. Et également, il y a une autre narration de Abi Dawood, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et Mu'adh ibn, selon Mu'adh ibn Jabal, qui rapporte la même chose, et toujours en mentionnant justement que ce sera au jugement dernier. Donc, en conclusion, le cheikh dit tout, ces ahadith-là montrent que le sang des martyrs qui va sentir le musc, c'est uniquement au jour de la résurrection et non pas dans cette dunya. Et il dit, أما اليوم أي في الدنيا فإن الحياة قد جعل الله لها سننا لا تختلف لا تتخل لا تختلف c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie, dans cette dunya, il a fait qu'il y a des lois qui sont respectées, hein, et qui sont suivies et qui ne divergent pas. Et il dit, je crois que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable parfois de faire sortir certaines choses de ces lois-là. C'est ce qu'on appelle soit des miracles pour les prophètes ou des karamates pour les awliya, les gens qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça peut arriver pour un individu lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il en a besoin ou lorsqu'il y a un besoin pour ça. Hein? Et le wali, la personne qui est rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il le cache, ce miracle. Il ne faut pas qu'il le montre. Il ne faut pas qu'il le diffuse. Et ça, c'est si ça se produit réellement, s'il y a quelque chose qui se produit réellement comme ça, de ce genre de karamat, ça, c'est des choses qui se produisent pour une personne. Et c'est des choses qui sont là pour un besoin quelconque, soit pour renforcer la foi de cet individu-là ou des choses de ce genre. Mais de là à venir et de là à dire que tous les martyrs, lorsqu'ils meurent, on va trouver chez eux une odeur de musc et que leur corps fait sortir de la lumière, ça, il dit, je n'y crois pas. Et probablement que ce genre d'histoire qui est répandue peut même faire tomber beaucoup de gens dans le shirk également. Parce que, en principe, qu'est-ce qui se passe? C'est que des gens arrivent souvent à exagérer au sujet de ces personnes-là lorsqu'ils croient que ce sont des awliya et ils commencent à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala en croyant qu'ils sont des saints et qu'ils ont une wilaya. Et c'est ça ce que les gens de la jahiliya avaient fait avec leurs divinités, comme par exemple Al-Lat. Hein? Donc si ce que ces gens-là qui étaient en Afghanistan parmi les Ikhwan ont prétendu était réellement vrai, eh bien, il ne fallait pas le diffuser, mais plutôt il fallait plutôt le cacher si c'était vrai, pour éviter la fitna pour les gens. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous allez là-bas en Afghanistan, les soufis, hein, ils sont noyés dans toutes sortes de bid'a, de kuburiya et toutes sortes de formes de shirkiya de ce genre. Et ils sont des membres de toutes sortes de turq soufiya. Il y a des reportages qui ont été faits à ce sujet-là. Et même il y a un frère qui m'a amené un CD avec des reportages justement qui ont été faits sur les soufis en Afghanistan. Puis tu retrouves que c'est rempli de kubur. Les gens vont là-bas, ils font des adorations dans ces endroits-là, ils les invoquent, sans parler de Mazar-i-Sharif. Il y a une ville qui s'appelle Mazar-i-Sharif, et puis c'est une grosse mosquée, ils prétendent que à cet endroit-là, c'est Ali qui est enterré, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, et ils vont là-bas pour l'adorer, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que ça, c'est de l'égarement. Donc ça, c'est juste une partie de la critique que le cheikh fait, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres exemples qui sont mentionnés au fur et à mesure dans le livre. Donc, Inch'Allah, vous allez de plus en plus comprendre un petit peu la réalité de ces gens-là qui font partie de cette jama'a des Ikhwan et ceux qui se rattachent à ces gens-là et comment ils sont loin de bien comprendre l'islam et le tawhid et la sunna. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis déjà on a dépassé l'heure, mais bon, il fallait que je termine au moins le point. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis à demain, à la même heure, Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayhi.